Wapkouté RGDH, Radio Guinée d'Haïti, voix peuple haïtien dans le monde. Radio Télé Guinée, c'est One Centre. Tout jouet, toute équipe, toute catégorie voulait jouer sous lui. Radio Télé Guinée respecte les jouet là. Il n'est pas attaquant, il n'est pas cabal goal pour. Il n'est pas demi, il n'est pas caméné jouet pour. Il n'est pas défenseur, il n'est pas cabaré attaque pour. Il n'est pas gardien, il n'est pas cabaré goal pour. Il n'est pas fanatique, pas mandel pour chauffer équipe ou ni relé chalbaré pour. Bien entraîné pour bien jouer. Jouer le pour jouer, pas tant de match fini. C'est où pour supporter équipe ou. C'est où pour choisir équipe ou. Radio Télé Guinée, c'est Pigo Stade là, Pigo Terrain, Pigo Tribune, côté quel que soit équipe là qui a joué, qui doit bailler goal, qui doit prendre goal, vin centré. Radio Télé Guinée, c'est One Centre là dans tout pays là. Respectez Radio Télé. Tout le monde, tout côté. On est depuis peuple à la donne, Radio Télé Guinée la donne. Depuis peuple à pas la donne, Radio Télé Guinée pas la donne. C'est ça que fait depuis Radio Télé Guinée la donne, peuple à la donne. Dans tout département, dans tout pays, dans toute diaspora, tout partout, RTG, CG, Axoreille, tout haïtien. Dans le pays, nous, m'a parlé, ou a parlé, l'a parlé, y a parlé, tout le monde a parlé, yo dit c'est dans l'intérêt. Présidence parlé, gouvernement parlé, opposition parlé, secteur privé, société civile, secteur religieux, secteur populaire, classe politique, tout le monde a parlé pour peuple, tout le monde a travaillé pour peuple. Et ou même peuple, et ou même citoyen, qui leur a parlé pour tête pao. Décanté. Se compte température degré tension département pays d'Haïti coûte nouvelle 4 par 4 depuis 8 FP sur Radio Guinée une expérience qui a continué. C'est One Santla. Tout jouet, toute équipe, toute catégorie voulait jouer sous lui. Radio Télé Guinée respecte les jouets là. Il n'est pas attaquant, il n'est pas qu'à bailler goal pour. Il n'est pas demi, il n'est pas qu'à mener jouet pour. Il n'est pas défenseur, il n'est pas qu'à barrer attaque pour. Il n'est pas gardien, il n'est pas qu'à barrer goal pour. Il n'est pas fanatique, pas mandel pour le chauffer équipe pour, ni relais Charles Barré pour. Bien entraîné pour bien jouer. Jouer le pour jouer, pas tant de match fini. C'est où pour supporter équipe pour. C'est où pour choisir équipe pour. Radio Télé Guinée, c'est Pigo Stade là, Pigo terrain, Pigo tribune, côté quel que soit équipe là qui a joué, qui doit bailler goal, qui doit prendre goal, vin centré. Radio Télé Guinée, c'est One Santla dans tout pays là. Respectez Radio Télé. Tout monde, tout côté. Connaît depuis peuple à la donne, Radio Télé Guinée la donne. Depuis peuple à pas la donne, Radio Télé Guinée pas la donne. C'est ça que fait. Depuis Radio Télé Guinée la donne, peuple à la donne. Dans tout département, dans tout pays, dans toute diaspora, tout partout, RTG, CG, Axoreille, tout haïtien. Dans pays nous, m'a parlé, wa parlé, la parlé, y a parlé, tout le monde a parlé, yo dit c'est dans l'intérêt. Présidence parlé, gouvernement parlé, opposition parlé, secteur privé, société civile, secteur religieux, secteur populaire, classe politique, tout le monde a parlé pour peuple, tout le monde a travaillé pour peuple. Et au même peuple, et au même citoyen, qui leur a parlé pour tête pas. Décanté. Jeudi 4 janvier 2023, son plaisir pour nous capables vraiment là encore avec nos amis auditeurs, téléspectateurs, internautes Radio Télé Guinée pour nous capables continuer aventure là surtout dans avant dernière sortie émission décantée pour ce maintenant une émission aujourd'hui hein. Nous allons recevoir et un habitué qui c'est Rosemont Jean, coordonnateur général Fonord. Avec les nobles palais et politiques, surtout nous sommes passés en année 2022.